Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousues main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, La grande aventure de la science, une série de Lydia Ben-Yitzhak réalisée par Assia Khalid. Au départ de cette série, il y a une épidémie qui résiste et qui nous oblige à regarder le monde scientifique avec un œil neuf et à comprendre que la tricherie peut se glisser partout. Alors pour commencer, les personnages. Une spécialiste de l'intégrité, un historien des sciences, un philosophe scientifique, une chercheuse pillée, une avocate qui accompagne, un journaliste lucide. Ensuite, le décor, le plagiat, Internet, le partage des connaissances, des copier-coller, la compétition, des évaluations, des classements, l'amertume, la solidarité, l'ombre de Raoult, des procédures, des règles, du harcèlement, des idées, la rumeur et un système pourri. Aujourd'hui, 4e épisode, on fait une réunion Zoom. Bonjour Paolo, ça va au Portugal? Il fait très chaud, mais ça va bien. Bonjour Pierre-Jean. Bonjour. C'est confidentiel, mais je vais quand même vous parler d'un cas de demande qui nous est arrivé ce matin, qui est un cas un peu pénible. C'est d'une femme en très grande souffrance. Alors le cas se passe en France, et cette personne a essayé plusieurs fois de se plaindre. Je vous lis juste quelques mots, mais c'est très long, hein. J'ai écrit au président de la société savante concernée hier pour lui demander, enfin c'est un anglais, qu'elle n'a pas de réponse, alors même que j'ai indiqué existence d'un grave vice de forme, de manquement aux règles du comité. Sur le fond, je persiste à dire qu'il y a bien eu plagiat, attribution des résultats. Et le problème, c'est la deuxième partie du mail. Je suis confrontée aux conséquences sur la santé au travail de cette situation liée à des pratiques de plagiat et méconduite. Donc avant le diagnostic d'un problème de santé, signe de dégradation de ma santé au travail, suivi médical. Alors je suis très embêtée. Alors c'est à Paris, c'est une université parisienne. Et la discipline mathématique. C'est quand même Pierre-Marie Curie. Hein. Et c'est entre qui et qui que ça se passe? C'est deux chercheurs du même laboratoire qui lui ont pris son travail. Science, fraude et mandarinat. Quand j'ai vu exploser tout ce qui était réseaux sociaux, la facilité avec laquelle on pouvait télécharger des documents, avec laquelle nos étudiants pouvaient tricher, pouvaient s'approprier des documents, j'ai dit notre univers est en danger. Notre univers de la connaissance, s'entend. Michel Bergada, spécialiste de l'intégrité scientifique. Parce que du jour au lendemain, ce que nous mettions beaucoup de temps à aller chercher dans les bibliothèques, tout le monde pouvait aller le chercher n'importe où sur le web. Et puis sans savoir si c'était valide ou invalide, de la bonne connaissance ou pas de la bonne connaissance. Le système éducatif à ce moment-là ne faisait rien. Les parents n'étaient pas au courant, applaudissaient même quand les enfants étaient en train de faire du copier-coller d'Internet. Les professeurs d'université aussi. Donc finalement, il y avait un vide absolument énorme parce que personne n'avait vu arriver l'impact qu'allait être Internet. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en 2000 à m'intéresser aux risques finalement pour notre système. Les parties prenantes d'une université actuellement, c'est quoi? C'est le citoyen qui paye ses impôts, parce que c'est par ses impôts que nous sommes payés. C'est l'étudiant qui reçoit une formation. C'est l'éditeur qui va publier de la bonne ou de la mauvaise recherche. Mais c'est aussi tout le système, toute l'injustice qu'il peut y avoir derrière des CV qui sont faux. Si vous démultipliez vos publications à bon compte, c'est-à-dire je vois par exemple des chercheurs qui réussissent à présider des commissions, à écrire 3 livres, à publier 5 articles, à être en même temps à la radio, à la télé, etc., c'est pas possible. Aussi intelligents qu'ils soient, nous n'avons tous que 24 heures par jour. Donc, si vous voulez, il y a un hic. Soit il y a des auteurs qui écrivent pour eux, soit ils achètent leurs articles, c'est pas possible. Donc, cela demande une vigilance, mais en même temps une vigilance positive, c'est-à-dire d'aimer ce métier, d'aimer la recherche. Et parce que nous aimons la connaissance, alors nous devons tous, chacun de nous, Et ça commence par les parents qui doivent apprendre à leurs enfants à ne pas prendre n'importe quoi par copier-coller, les professeurs de lycée, les professeurs d'université, les directeurs de thèse, tout chercheur. On est tous concernés là. Philippe Huneman, philosophe et historien des sciences. Depuis très longtemps, en France, on essaye d'aligner la France sur le reste, hein, c'est-à-dire la chose la plus emblématique, c'est le classement de Shanghai, qui est une espèce de classement totalement grotesque, où on a des indicateurs qui n'ont aucun sens. On évalue les universités, on ne regarde pas l'enseignement, par exemple. Et quand ce classement est arrivé, les gens en France se sont dit, les décideurs, hein, « Oh là là, c'est affreux, on n'a pas d'université française dans les meilleures du monde ». Et on va tout faire pour avoir des universités françaises dans les meilleures du monde. Alors, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on agrège les universités. Évidemment, si vous mettez 12 universités ensemble, elles vont avoir plus d'articles publiés, plus de prix machin bidule, plus de médailles en chocolat, et elles vont être mieux dans le classement de Shanghai qui ne recense que ces choses-là. C'est ce qui vient d'arriver d'ailleurs il y a 2-3 semaines. Hein. Donc, on a une ministre qui s'enorgueillissait de Paris-Saclay qui est enfin dans les 20 premiers du classement de Shanghai. Enfin, c'était à pleurer. C'était terrifiant. Enfin, le plus simple, c'est de faire Université de France, hein, puis on met toutes les universités ensemble. Et là, on doit être les premiers du classement de Shanghai, c'est sûr. À budget constant. Là, on est à budget constant. Donc, on a des universités où l'essentiel du travail d'enseignement est fait par des précaires. Les gens savent pas. Hein. Si vous envoyez vos enfants à l'université, jusqu'en master, ils vont avoir des cours par des gens qui sont vacataires, qui sont des doctorants. Alors, généralement, ce sont des gens qui font très bien leur travail, qui sont très consciencieux, etc. Ils sont payés quelque chose qui est entre rien et rien et demi. Et ensuite, ces gens-là, bah, ils sont sur le marché du travail. Les doctorants, quand ils ont une thèse, ils sont dans un régime de compétition qui est délirant. C'est 120, 150 personnes pour un poste. Ils sont soumis à des exigences qui sont de pire en pire. C'est-à-dire, le nombre d'articles requis pour être chercheur au CNRS en biologie en 8 ans a augmenté de 30 ou 40%, je crois. Et donc, on se retrouve avec, si vous voulez, une université qui est régie par deux choses, hein, les évaluations, les classements. Donc, en gros, la compétition, enfin, la concurrence. Et donc on a le directeur général du PDG du CNRS, là, Antoine Petit, qui a mis le feu aux poudres en décembre en disant il faut une loi inégalitaire et darwinienne, hein, compétition encore une fois, dans la recherche. Et donc les chercheurs, des doctorants aux émérites, retraités, prix Nobel, Fields, tout ce que vous voulez, ont été quand même pour la plupart vent debout contre ça, à dire mais non, enfin oui évidemment il y a de la concurrence dans la recherche, comme dans tout, enfin oui il y a de l'émulation, oui ça, enfin, on connaît. Mais évidemment aussi, il y a de la coopération, sinon on peut absolument rien faire. Genre chacun se sert des idées des autres et construit ses idées avec les idées des autres. Enfin, c'est des banalités, c'est désespérant d'avoir à les rappeler. Et on construit l'université depuis une quinzaine ou une vingtaine, depuis la LRU et la loi sur l'université en 2007 et même avant, sur un modèle archi-compétitif. En oubliant que ça, les pays qui appliquent ça se rendent compte que ça déconne complètement. Enfin, le taux de maladies psychiatriques ou simplement d'universitaires qui arrivent même pas à manger en Grande-Bretagne est terrible. La Grande-Bretagne, c'est le premier pays européen à avoir appliqué de manière délirante ce néolibéralisme à base d'évaluation, on compte les points de chaque chercheur, ceux qui ont pas assez de points, c'est le nombre d'articles pondérés par la qualité de la revue, ceux qui ont pas assez de points, ou les départements qui ont pas de gens, qui ont pas assez de points, on jette. Bon. L'enseignement universitaire et la recherche en Grande-Bretagne est un désastre humain et aussi un désastre pour la recherche. Et ça, on le voit aussi, c'est ce que les gens oublient, c'est que le taux de plagiat augmente, le taux de fraude augmente. Les jeunes sont encouragés à publier 8 fois de suite le même article parce que comme ça leur fait 8 points sur leur CV au lieu de 1. C'est que si vous voulez, on a d'un côté un CNRS qui vous dit ah, il faut de l'éthique et d'un autre côté un système de la science, de la recherche scientifique, qui conduit à des très mauvaises pratiques. Le gouvernement français, non plus que d'autres pays, va donner des subsides en fonction du nombre d'étudiants de doctorat que vous avez. Et donc, quel intérêt un professeur aurait-il à dire à un étudiant en première année, écoutez, à mon avis, vous n'avez pas les qualités pour être académique, vous serez excellent dans un autre métier ou dans l'industrie, c'est peut-être pas la peine que vous passiez 3 ou 4 ans dans ce métier pour prendre des risques. Toutes les études que nous avons faites montrent que les comportements de délinquants de la connaissance s'implantent dans la première année ou la deuxième de doctorat. Parce que ces personnes-là ne rencontrent pas des écoles doctorales ou des directeurs capables de leur dire « c'est pas pour vous ce métier-là ». vous allez souffrir dans ce métier-là. C'est un métier compétitif, c'est un métier où il faut beaucoup lire, beaucoup travailler, solitaire, en même temps s'intéresser aux autres. C'est un métier où il faut enseigner en plus, ce qui est presque paradoxal par rapport à la recherche. Donc, si vous voulez, il y a une forme de lâcheté, de non-prise en compte de ce qu'est la souffrance du étudiant de première année de doctorat qui découvre qu'il n'aura pas le niveau pour devenir un grand chercheur et obtenir le poste. Et il va souffrir non seulement pendant son doctorat, mais ensuite, imaginez-vous, alors vous allez dire, c'est très bienveillant ce que vous dites, oui, parce que les délinquants ne sont pas toujours des gens à... C'est trop facile de dire c'est leur faute uniquement. La souffrance commence très souvent là. La non-écoute de quelqu'un qui n'est pas capable. Nous avons traité un cas d'une personne qui s'est hissée au plus haut poste de son université, presque plus haut poste. Et quand on a regardé ses publications sur 30 années, on a découvert que cette personne avait commencé à plagier et à trafiquer la première année de son doctorat. Tout ça parce qu'elle avait un directeur de thèse prestigieux et qu'elle voulait être à la hauteur des attentes de ce patron de thèse. Donc si vous voulez, on est quand même dans un métier éminemment humain et cette humanité-là, il faut en prendre compte aussi. Il y a beaucoup de souffrance et elle n'est pas toujours du côté que l'on croit. Hervé Maisonneuve, spécialiste de santé publique. Nous parlons de mandarinat, de seniorité. Il faut voir que dans nos systèmes de recherche, toutes les clés de décision sont tenues par des seniors. Elles ne sont pas données à des jeunes, ou quand elles leur sont données, c'est assez difficile pour eux de s'exprimer. Je m'occupe beaucoup d'intégrité scientifique dans des facultés de médecine, et c'est très flagrant. Des jeunes voient des comportements qui sont anormaux, mais ils ne peuvent pas les dénoncer parce que ça peut nuire à leur avancement de carrière. Tout est tenu par des seniors qui se tiennent entre eux. Nous faisions allusion à certains noms, que ce soit Marseille ou autre. Tout le monde se tient. Les jeunes poussent actuellement pour la science ouverte, ils ont raison. Pour l'accès aux données sources, c'est-à-dire les données originales dans le laboratoire. Parce que, je m'excuse, je reviens peut-être sur ces premières publications de M. Raoult. Il s'est permis de demander les données à d'autres chercheurs, mais lui-même n'a pas donné sa base de données qui a été demandée par l'INSERM pour refaire des analyses sur ses premières études. Il n'a pas voulu partager. Alors que des jeunes, peut-être aujourd'hui, collaborent plus et sont peut-être plus ouverts à dire « Voilà mes données, est-ce que quelqu'un d'autre que moi pourrait les analyser pour voir s'ils pensent la même chose ?» Ça sera un phénomène générationnel si on n'oublie pas de former en champion d'intégrité à l'intégrité les générations qui viennent. Si le modèle qu'ils reçoivent, les générations qui nous arrivent, qui sont bientôt des milléniums, c'est de dire combien de publications je vais publier avec mon directeur de thèse, ils ne vont jamais s'interroger sur l'intégrité. Pourquoi je dis l'intégrité ? Parce que c'est la connaissance. Il ne peut pas y avoir de connaissance, il ne peut pas y avoir progression de savoir si nous ne sommes pas complètement enracinés dans l'intégrité. Donc, si vous voulez, je pense que les milléniums, la génération qui arrive, oui, peut comprendre, à condition que nous arrivions à faire un véritable débat démocratique, au lieu de dire « Ah, mais l'intégrité, c'est le référent intégrité qui s'en occupe, ou l'office, ou tel organisme. Ah, tel cas de fraude et de plagiat, ça ne me concerne pas, il y a des commissions ad hoc. » Si nous arrivons à dire « La démocratie, c'est ce qui va nous sauver, c'est le débat. » C'est débattre ensemble, toute classe d'âge confondue, toute discipline confondue, de ce que nous voulons comme intégrité pour demain, pour la recherche, alors peut-être nous allons y arriver. Pourquoi je suis gênée ? C'est parce que du coup, c'est un mail qui est très long, où le problème... précis. En fait, elle n'a pas demandé une médiation en tant que telle pour l'instant. Elle explique « Mon université semble incapable de stopper la logique dans laquelle elle s'est placée, mais le dossier qu'elle n'a pas traité correctement ne cesse de s'amplifier à l'initiative d'un réseau de 3 personnes en poste dans mon ancien laboratoire. » Elle dit que cet ancien laboratoire, ils avaient des conduites qui étaient illicites et qu'en fait, elle s'est plainte qu'il lui avait volé son travail, mais que du coup, elle a des mesures de rétorsion et qu'en fait, il ne s'est pas pris en charge par l'université. Mais comme en même temps, il y a ce problème de santé qui est grave. Hein. Elle m'avait averti et elle est de plus en plus dans l'angoisse. Je ne sais pas trop quoi faire. Je lui ai quand même dit que c'était suffisamment grave. Je me demandais si elle ne devait pas prendre un avocat qui parle à sa place. Parce que je vois pas comment l'IRAFPA pourrait rentrer a posteriori en médiation sur un cas de souffrance comme ça. Moi, j'ai eu déjà des cas un peu comme ça à traiter quand je m'occupais de la section CNRS. Je pense qu'il faut distinguer la partie plagiat de la partie harcèlement moral. Ouais. Je pense qu'effectivement, tu as raison. Autant sur plagiat, éventuellement, on peut avoir une intervention sur le constat de est-ce qu'il y a effectivement un plagiat ou pas, comment ça s'est traduit, etc., de façon un peu formelle à partir de l'analyse qu'on peut faire, etc. Mais autant sur la partie harcèlement moral, si harcèlement il y a et s'il y a des problèmes de santé, de toute façon, à partir du point où il y a des problèmes de santé, il y a quelque chose à faire. Effectivement, je pense que le mieux, c'est l'avocat ou éventuellement, il y a souvent des référents à l'université vers lesquels qui sont transdisciplines, etc., ou CNRS, le cas échéant, le médiateur, qui peut prendre en charge ces problèmes-là, éventuellement la protéger en la mettant de côté, etc. Mais c'est tout à fait autre chose et c'est pas à nous de gérer. Enfin, je pense pas qu'au niveau de l'Institut, ça soit possible de gérer cette question de harcèlement, si harcèlement il y a. Règle numéro 1, ne jamais plagier un texte qui se trouve sur le net. Règle numéro 2, si vous êtes dans l'impossibilité de respecter la règle numéro 1, utilisez la méthode inaugurée par le Père Ubu dans son almanach illustré du XXe siècle. J'ai traduit en polonais de vieux feuilletons français qui avaient charmé mon enfance. Cette première version les a modifiés du tout au tout, et puis j'ai attendu qu'on me les retraduisît en français. Ils y ont beaucoup gagné. Traduisez à l'aide du traducteur automatique de Google les pages que vous désirez vous approprier, tout d'abord en serbo-croate, puis en basque. Faites retraduire le résultat en français et utilisez celui-ci en interprétant le résultat comme vous pourrez. Attention, cet exercice réclame souvent beaucoup d'imagination. Règle numéro 3. Utilisez de préférence des sources étrangères, issues de langues rares. Nul besoin de les posséder vous-même, le traducteur automatique précité agira comme un filtre très efficace. Depuis 2000 à peu près, avec des amis, nous avons commencé à nous interroger sur comment on pouvait améliorer notre système. Et nous avons, au fil du temps, au fil des cas qui nous arrivaient, petit à petit, créé tout d'abord des méthodologies pour analyser les cas. Alors ça a commencé par le plagiat, parce que personne ne savait analyser un cas de plagiat. Donc nous avons mis, et grâce à des linguistes et des médiévistes, en place des dispositifs qui nous permettent d'analyser les faits, de regarder les faits rigoureusement, est-ce que oui ou non il y a plagiat, d'éviter autant que faire se peut les fameux logiciels qui nous aident mais qui ne sont pas une solution. Tous les linguistes vous diront ça, vous pouvez remplacer porte par fenêtre et le logiciel ne le verra pas. Et puis nous avons également mis en place toute une logique de la conséquence. C'est-à-dire quand vous avez une fraude ou un plagiat, il ne faut pas regarder les faits passés. Ce que nous regardons, c'est les conséquences. C'est-à-dire les conséquences, par exemple, d'une fraude ou d'un plagiat, c'est quoi ? C'est la souffrance d'un auteur à qui on a volé son travail, d'autant plus grande si c'est un jeune par rapport à une personne déjà en place. Deuxièmement, c'est la fraude au système, parce que vous allez voler la place de quelqu'un qui n'a pas plagié ou fraudé et qui l'aurait mérité. Troisièmement, c'est la réputation de votre université qui va être en cause. Tout le monde parle de la Sorbonne actuellement, partout. Quatrièmement, c'est le coût que ça va entraîner, parce que monter un dossier, réunir des services juridiques, bloquer du temps de personnes qui sont là, etc., ça coûte, mais chaque cas va coûter à un établissement jusqu'à 30 000 à 40 000 euros, si vous voulez, etc., sans compter la fausse connaissance. Et ça, c'est le lecteur qui est victime. On oublie toujours le lecteur, mais le lecteur. Comment progresse la connaissance ? Elle progresse parce que le lecteur lit la source et se dit, tiens, c'est curieux l'interprétation qu'elle a été faite, je vais à la source et je vais peut-être trouver une autre interprétation. Moi, parce que je suis créatif, parce que les techniques ont évolué. Et c'est comme ça que la science progresse. Mais si vous trichez avec les données ou avec le plagiat, vous empêchez le lecteur de refaire les analyses. Donc vous bloquez la connaissance, et c'est ça peut-être le plus grave, et c'est ça que tout le monde doit comprendre. C'est pas du tout un fait anodin, c'est un fait qui nous concerne tous. Béatrice Durand, enseignante. J'ai découvert qu'un collègue s'était servi dans un travail académique inédit. Il s'agissait de mon habilitation, d'une habilitation en littérature comparée que j'ai soutenue à l'université de Halle en Allemagne où j'enseignais à l'époque. Et il s'agissait d'un collègue que je connaissais un tout petit peu pour l'avoir rencontré dans des colloques. Et j'ai cherché son livre, un livre qui donc était issu lui aussi d'une habilitation. Au moment où moi-même je voulais mettre à jour mon manuscrit et le préparer pour la publication, puisque je ne l'avais pas publié tout de suite après avoir soutenu. Marie-Avril Roux-Steinkühler. Béatrice Durand est donc chercheuse à Berlin, et moi je suis installée à Berlin aussi comme avocate française et en Allemagne. Et donc elle est venue me voir car elle avait en fait écrit un mémoire d'habilitation qu'elle avait laissé dans un tiroir, et puis quelques années après elle prend la décision de le publier. Et donc évidemment quand on est chercheur on fait un point sur l'état de la connaissance au moment de publier un livre, et c'est là qu'elle avait découvert un ouvrage d'un professeur de la Sorbonne qui lui paraissait étrangement familier. Et en approfondissant sa lecture, elle a eu l'impression de reconnaître son propre travail. Et donc elle a commencé à faire un travail de comparaison, et elle est venue me voir en me disant, écoutez, c'est incroyable, voilà, moi j'ai relevé 70 passages, 70 endroits qui sont soit exactement ce que j'ai écrit moi, soit ressemblent étrangement à ce que j'ai écrit moi. Et donc dans ces passages qu'elle avait relevés, il y avait des choses qui étaient des copies conformes, des phrases qui se retrouvaient exactement, des expressions qui se retrouvaient. Il y avait aussi une similitude de sources, et des sources assez rares, c'est-à-dire qu'elle avait travaillé sur toutes les expériences d'isolement enfantin, c'est-à-dire tous les ouvrages de la littérature depuis les pharaons, toutes les expériences par lesquelles on a isolé des enfants pour voir ce qu'il advenait d'eux, ce qu'ils apprenaient, s'ils apprenaient à parler, comment ils apprenaient. Et en fait, l'ouvrage qu'elle avait lu se penchait uniquement sur la période du XVIIIe siècle. Et donc, le chapitre XVIIIe siècle reprenait énormément des choses qu'elle avait prises. Et puis aussi, toute son analyse, en fait, se retrouvait. C'est-à-dire qu'elle avait mis en place une typologie avec des variables et des critères qu'elle examinait chaque fois de manière systématique. Et ce plan-là, cette manière d'aborder, se retrouvait également dans son travail. Donc il me citait, certes, mais bien en deçà de ce qu'il m'avait emprunté. Et il y a une autre chose aussi qui m'a surprise et qui m'a laissée perplexe, c'est que je me suis demandé comment il s'était procuré ce texte qui était inédit, qu'il ne pouvait tenir que de moi. C'est là que j'ai fait pour la première fois l'hypothèse qu'il s'était sans doute procuré mon manuscrit parce que je l'avais joint à des dossiers de candidature que j'ai faites en France et en Allemagne. Il y a une chose qui est très claire, c'est que les idées, nous juristes, nous disons, les idées sont de libre parcours. C'est-à-dire que le fait d'avoir une idée, le fait d'avoir l'idée de travailler sur un même sujet, le fait d'avoir l'idée de prendre des sources identiques, le fait d'avoir même l'idée d'aborder ces sources avec cette fameuse typologie, tout cela, ça relève de l'idée et ça n'est pas protégeable, c'est de libre parcours. En revanche, le droit d'auteur, le droit de la propriété intellectuelle prévoit que la mise en forme, en fait, la création, la manière dont vous avez élaboré de manière originale ces idées, eh bien ça, c'est protégeable. Et donc, personne n'a le droit de le reprendre sans votre autorisation, sauf dans certaines hypothèses c'est-à-dire l'hypothèse de la courte citation en particulier. On a le droit de reprendre une œuvre antérieure, mais à condition que cette reprise soit justifiée par le caractère critique, scientifique, et que cette citation soit restreinte, et que la source soit citée. Et dernière condition, que l'œuvre antérieure, dont on reprend des passages, ait été divulguée. Et en l'occurrence, Béatrice Durand avait écrit un mémoire d'habilitation qu'elle n'avait pas publié. Son œuvre était, ce qu'on appelle nous en droit d'auteur, son œuvre était inédite. Règle numéro 7. Attribuer les passages plagiés chez X à un auteur inconnu Z, en laissant vaguement entendre dans l'introduction que vous publiez également sous d'autres noms de plume. Si le plagiat est repéré, vous pourrez alors nier le fait et accuser cet inconnu. Règle numéro 13, dite règle de Paris 8. Si vous êtes accusé de plagiat, envoyez des mails délirants non seulement à vos accusateurs, mais encore à toute personne connaissant vos accusateurs. Prévenez la presse, parlez de déni de justice et de conspiration, les journalistes adorent ça. Votre plagiat sera vite oublié au profit de la rumeur du complot. Il existe, depuis un certain temps, des logiciels de détection de plagiat qui permettent de comparer les textes et puis de s'apercevoir si, par exemple, il y a plus de deux phrases qui n'ont pas de guillemets et qui se ressemblent. Donc ça vous donne la source, c'est très intéressant, parce que ça vous donne globalement un pourcentage de plagiat qui a été repéré, et ça vous donne, il faut pas oublier qu'il y a des personnes qui n'hésitent pas à télécharger des thèses entières et à mettre leur nom. Donc là, vous avez 100% de plagiat, vous êtes très content. Et quand vous trouvez ça, c'est très décevant. Ça vous donne l'indication de la source. Mais cela n'empêche pas d'être obligé d'aller vérifier chacune des sources. Parce que tout simplement, des fois, c'est des articles de loi, ils n'ont pas besoin de guillemets. Ou Pierre qui roule n'amasse pas mousse n'a pas besoin de guillemets. Donc le logiciel, il est bête, il va vous dire c'est du plagiat. En fait, ça ne l'est pas. Inversement, un vrai fraudeur ou manipulateur, il ne se pose pas de questions. Au lieu de dire il entra par la fenêtre, il va vous dire il poussa la porte. Mais ça sera quand même la même idée, de la boucherie au lieu de la boulangerie. Ça sera exactement, il va simplement changer les mots. Donc, les personnes qui disent « Ah, mais il faut faire passer toutes les thèses au logiciel de plagiat » commettent une grave erreur. La responsabilité, elle n'est jamais sur la technique. Évidemment, s'ils ne le font pas, il y aura encore plus de fraudeurs, évidemment, ça c'est sûr. S'il n'y a aucun contrôle sur la route, il y aura des personnes qui rouleront à n'importe quelle vitesse. Mais la première des portes, je dirais, de sécurité, c'est bien entendu l'entourage direct, c'est-à-dire les collègues, les professeurs, les écoles doctorales, etc. Règle numéro 15. L'anacolute est à la fois l'ami et l'ennemi du plagiaire. Vos accusateurs tenteront de relever les ruptures de construction dans votre énoncé pour y débusquer les plagiats. Autant habituer tout de suite le lecteur, dès le début de votre texte, à un style hétérogène et bâtard. Règle numéro 16. Citez le nom d'un auteur en début de chapitre, en passant, puis rédigez un ou deux paragraphes personnels et citez ensuite l'auteur, sans scrupules et sans guillemets. Mon avocate m'a suggéré, plutôt qu'une action devant des instances universitaires, de proposer aux collègues indélicats une négociation amiable et confidentielle. Alors, proposition que le collègue a rejetée très violemment. Il a nié en bloc tout ce que je lui reprochais, donc à la fois la divulgation non autorisée d'un manuscrit et les reprises de certains passages. Donc, il a réagi de toute sa hauteur, en faisant valoir sa position institutionnelle de professeur dans l'université française la plus prestigieuse, sa qualité de représentant de la science française, alors que moi je n'étais rien dans l'institution. Voilà, j'ai été très blessée, très choquée, d'une part de la mauvaise foi avec laquelle il prétendait qu'il s'était conformé en toute chose aux bonnes pratiques et à la déontologie de la recherche, et blessée aussi de sa façon de dénigrer à la fois mon travail et ma carrière. Et j'étais aussi assez découragée parce qu'il produisait aussi des lettres de soutien de collègues qui affirmaient aussi que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Alors à ce moment-là, j'étais extrêmement découragée et peut-être de toute la procédure, c'est le moment qui a été le plus dur pour moi. À la fois, j'étais intimidée et j'avais un sentiment d'impuissance. Et j'ai très longtemps hésité avant d'entreprendre une véritable action en justice, en me demandant si ça valait vraiment la peine de dépenser tant de temps, d'énergie et d'argent pour réparer ma vanité d'auteur blessée. Alors c'est là que j'ai été encouragée par mes proches, par mes enfants, par mon mari, qui m'ont dit « mais il ne s'agit pas que de toi, il s'agit aussi de toute la question du plagiat dans la recherche, et si tu en restes là, la tentative d'intimidation aura réussi. Donc c'est important que tu participes à la lutte contre l'omerta qui pèse sur toutes ces affaires de fraude académique. » En fait, la typologie du fraudeur, tout le monde croit qu'il y a un fraudeur, enfin un délinquant de la connaissance, je vais utiliser les vrais termes, qui n'a qu'un seul profil. Non, pas du tout. Le premier profil, c'est le tricheur ordinaire, tout le monde le connaît. Le tricheur, il fait ce que son groupe lui dit de faire. Donc il est discipliné par rapport aux normes. S'il est dans un bon laboratoire, il sera intègre. S'il est dans un laboratoire borderline, il sera borderline. Ensuite, vous avez un autre profil tout à fait à l'opposé, le fraudeur. Le fraudeur, c'est un individualiste. Alors, je le reconnais tout de suite parce que quand il se fait prendre, c'est un joueur. Il dit « Ah, j'ai perdu ». Il connaît très bien les règles, mais il est totalement individualiste. Il n'a rien à faire du système. Vous le trouvez au Luxembourg, il se fait renvoyer de l'université de Luxembourg. Vous le retrouvez à l'université de Genève, il se fait renvoyer, il va ailleurs, etc. Il dit tout de suite « Ah, j'ai perdu ». D'accord. Bon, j'ai fraudé, vous l'avez vu. Écoutez, vous voulez pas me faire une lettre de recommandation, puis je vais aller dans un autre établissement, comme ça vous n'entendrez pas parler de moi. C'est le vrai fraudeur, le joueur. Et puis il est un peu addictif, hein, parce qu'il gagne, il se croit plus fort. Un profil qui est très embêtant, c'est le bricoleur. Le bricoleur, je le reconnais en général parce qu'il me dit, quand je l'ai au téléphone, ou, oh là là, mais comment j'ai pu être aussi bête ? C'est souvent des personnes qui ont qui connaissent bien le système, qui ont été honnêtes au début, puis petit à petit, elles sont sursollicitées, parce qu'il faut quand même que vous voyez que les grands chercheurs sont sursollicités. De plus en plus sollicités, ils savent pas dire non, alors ils disent oui à tout, et puis un jour, ça dérape. Ils se mettent à faire de l'autoplagiat, ou reprendre les idées des autres, ou le pire que j'ai vu, c'est un chercheur qui a été honnête, mais il était pressé pour rendre un chapitre, il a carrément téléchargé une thèse d'un étudiant québécois. Ça, c'est ce que j'appelle le bricoleur. Il bricole, il prend à droite, à gauche. Et alors, le profil qui nous embête le plus, c'est celui que tout le monde va reconnaître, c'est le manipulateur. Le manipulateur, c'est quelqu'un qui connaît très bien le système. Et ce manipulateur, lui, ne va jamais, jamais, jamais, jamais avouer. Donc regardez les derniers cas qui sont parus dans la presse et vous verrez que certains disent « je n'ai pas plagié, je n'ai pas triché ». Vous leur montrez, vous leur dites « mais ça, c'est du plagiat ». Ah non, c'est pas du plagiat, il n'y arrive pas. Donc, ils sont très ennuyeux parce que ils sont tellement sincères dans leur délinquance qu'ils ont des amis parce qu'on les croit. Dans l'un des cas, pour que un grand patron de Paris se rende compte que vraiment son étudiant était fraudeur, il a fallu que les plaignants lui envoient à son domicile un anonyme les preuves, le dossier que nous avions constitué. Et là, il a aussitôt changé d'avis. Il l'a dit dans le journal Le Monde. Et je peux vous dire que dans toutes les médiations, il n'y a aucune difficulté avec les tricheurs, les fraudeurs ou les bricoleurs, mais avec les manipulateurs, ils vous inventent tout. C'est des personnes que vous n'arrivez pas à leur faire avouer, en fait, le problème. Donc vous ne pouvez pas les sauver. Le problème n'est pas de citer, le problème n'est pas d'utiliser des sources antérieures. Il faut le faire, c'est normal, on sait très bien qu'on se nourrit du travail des autres. L'idée, c'est de bien le citer et de bien le faire, et de le faire dans le respect d'une certaine forme d'éthique. En fait, le droit d'auteur, quand il défend l'auteur, c'est aussi, il défend aussi l'éthique. L'argument adverse, en fait, la position adverse a consisté à, d'abord, à un peu discréditer le travail de ma cliente, ce qui était pas très agréable toujours pour elle, et puis surtout à essayer de montrer que tout ce qu'elle faisait était banal. Et parce que d'un point de vue droit d'auteur, ce qu'on peut protéger et donc ce qui pouvait arriver à une condamnation, c'était si son œuvre originale avait été pillée. Mais si donc l'argument adverse consistait à dire son œuvre n'est pas originale. Ça, ce premier argument n'a pas marché. Hein. L'œuvre était clairement son travail, un mémoire d'habilitation, un chercheur, un travail de recherche comme ça, c'est une œuvre originale. Et alors ensuite, sa défense a consisté à découper petit à petit tous les passages qu'on avait relevés en disant « Mais regardez, ce mot-là, c'est un mot qui est banal, c'est un mot qui relève du vocabulaire habituel de la recherche dans ce secteur-là. » Et donc, elle n'a pas fait un travail d'originalité. Comme il n'y a pas de travail d'originalité, il ne peut pas y avoir de contrefaçon. C'est un argument qui a parfois été entendu par les juges, hein, qui disaient « Ok, ce sont des termes qui sont habituels, ce sont des termes qui sont en usage dans l'étude des textes du XVIIIe siècle, etc., etc. » Donc, ok, il faut l'accepter. C'est parfois extrêmement douloureux pour la personne qui est plagiée, mais les juges, en fait, ne peuvent pas, comme je vous expliquais, défendre les idées. Ils ne peuvent reprendre que leur mise en forme. Et donc, il faut que la mise en forme soit très originale. Et c'est sur ces points-là, en fait, qu'on a obtenu une condamnation. Pas sur les 70 points du début, pour lesquels Béatrice Durand était venue me voir, mais sur une douzaine. Et ces douzaines-là étaient vraiment indiscutables. Et après tout, c'était déjà bien. La très grande majorité n'ose pas se plaindre. Elles ne peuvent pas se plaindre. Tous les deux jours, mais au moins tous les deux jours, j'ai des personnes qui me disent « Je ne peux pas m'adresser en interne à mon institution parce que c'est retoqué, parce que la commission contient des personnes qui sont contre moi ou qui sont des amis d'eux. » Donc ceux qui osent se plaindre ont toujours peur en interne de se faire mal voir, puisque tout le monde se connaît, puisqu'on va savoir très vite qui c'est. L'anonymat n'est jamais garanti. Donc la raison, effectivement, pour laquelle l'IRAFPA a autant de succès, c'est parce que, d'abord, nous répondons très vite aux victimes, et puis nous répondons oui ou non, mais nous les prenons en charge. Et quand c'est vraiment des cas sérieux, je peux vous dire que une lettre de l'Institut, enfin, en tant que présidente, préparée par, évidemment, l'équipe, une lettre qui va au président de l'université, au rédacteur en chef, au directeur de « Tout le monde est au courant », comme ça, il n'y a pas de jaloux, je peux vous dire que l'affaire n'est pas enterrée et que la personne est protégée. Donc, curieusement, ça va vite. Sinon, ça traîne en longueur, c'est une souffrance, etc. Comment faire pour que les victimes ne souffrent pas autant et trouvent à qui s'adresser en interne? Bon, c'est surtout au président d'université française et directeur de grande école de se décider à comprendre que leur responsabilité à eux, c'est pas simplement d'obtenir un classement à Shanghai, mais c'est de veiller à la connaissance et de veiller au bien-être, à la santé psychologique, au bonheur des personnes qui travaillent pour eux. Parce que sinon, on fera rien. Et pour l'instant, je peux vous dire qu'il y a très peu de présidents d'université qui entendent ce langage. Ou alors, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont là pour très peu de temps. Ils sont élus pour 4 ans, par exemple. Ils n'ont pas le temps où ils se disent que ce n'est pas la peine de changer le système. Au bout du compte, j'ai eu gain de cause. Mon collègue a été condamné à la fois pour des reprises contrefaisantes et pour la divulgation non autorisée d'un inédit. Le jugement a été confirmé en appel et le pourvoi en cassation qu'il avait soumis a été rejeté. Donc j'espère que ces décisions de justice feront jurisprudence. Règle numéro 20. Ne cherchez surtout pas à emprunter chez vos collègues, comme vient si imprudemment de le faire un professeur de l'université de Potsdam. Pillez de préférence vos étudiants. L'IRAFPA est un institut international parce qu'il n'existe dans aucun pays des instances pour prendre en charge la souffrance ou les médiations. Ce qui existe dans tous les pays, c'est la législation. Mais la législation, par exemple, va vous dire, doit déposer plainte la victime. Sauf que si c'est des cas de plagiat, par exemple, sur des personnes qui sont décédées depuis 20 ou 30 ans, comment voulez-vous qu'elles se plaignent? C'est ça le problème. Donc si vous voulez, l'ordre académique, pour l'instant, dans aucun pays, n'a pris le pas sur l'ordre législatif. C'est-à-dire que pour l'instant, il considère que c'est le propre des avocats et non pas le propre du monde académique. L'IRAFPA, c'est Institut international de recherche et d'action sur la fraude et le plagiat académique. Tout le monde peut s'y adresser, bien sûr, parce que nous avons une méthodologie, nous sommes neutres, nous n'avons pas non plus aucun conflit d'intérêts avec les établissements. Le livre contre lequel nous avons obtenu une condamnation est un livre qui est tiré d'un mémoire d'habilitation, de l'adversaire, du contrefacteur. Donc effectivement, la question de savoir si ce mémoire d'habilitation reprend aussi ces fameux passages contrefaisants qui ont conduit à une condamnation. Parce qu'effectivement, ça veut dire dans ce cas-là qu'il y a une difficulté effectivement au regard de l'éthique de ce travail de recherche. Et là, c'est la ressortie de la responsabilité de l'université. Quelles sont les conséquences, quelles sont les suites qu'elle entend donner à cette affaire? Est-ce qu'elle entend donner des suites? Je n'en sais rien. Car cette affaire a été rendue publique et que ce contrefacteur a un poste de professeur de littérature du 18e. Donc c'est incroyable, lorsqu'on regarde tous les documents internes, toute la volonté d'éthique qui aujourd'hui entoure la recherche. Je serais curieuse de savoir si ce mouvement va aussi toucher un professeur installé. Nous sommes un métier où tout finit par se savoir. J'ai eu à traiter, je présidais une commission au Luxembourg sur un grand plagieur, un grand fraudeur, un biologiste. Et cet homme-là, c'était très curieux parce qu'il avait 200 ou 300 publications et il n'avait jamais été président d'une revue, rédacteur en chef d'une revue. C'est-à-dire que ses pairs le savaient. Ses pairs, au plus haut niveau, l'évitaient, si vous voulez. Par contre, qu'il ait fait du mal, oui, il a fait du mal à ses collègues, à ses collaborateurs. Oui, c'était un mandarin, comme on disait en France autrefois. Donc il a obtenu des fonds. Ce qui est nouveau, c'est que ces mandarins-là, on les laissait faire. Ils étaient impunis, parce qu'on disait, mais de toute façon, voilà, soyez fiers d'être plagiés ou de publier avec telle ou telle personne. C'est totalement terminé. Parce qu'avec l'Internet, avec tout ce que nous avons comme moyen maintenant, si vous voulez, les fraudes et les plagiats finissent toujours par ressortir. Manque de peau, bah, c'est les très mauvaises pratiques, elles permettent parfois de remporter la victoire. C'est un peu comme le sport, au sens où, bah, par exemple, si vous avez une pression de compétition folle, les gens se dopent. Bah, là, c'est pareil, pour avoir des postes, pour avoir des projets, les gens se dopent, ils dopent leurs projets. Si demain j'écris un projet de recherche sur la philosophie d'Aristote, je vais essayer d'expliquer que grâce à ça, les grands problèmes du monde vont être résolus. Et dans le monde, le cancer, les égalités hommes-femmes, ça ne voudra rien dire, mais ça marche, hein. Les projets en neurosciences, c'est exactement ça. C'est des choses extrêmement ténues et précises. Et à la fin, les gens disent, on va guérir Alzheimer. Mais en général, quand ils sont honnêtes, ils y croient pas une seconde. Mais il faut bien. Et nous aussi, on le fait tous parce qu'il faut récupérer l'argent, parce qu'il faut faire travailler les gens, parce qu'il faut soi-même travailler. Voilà. Donc ça, c'est le système. Le système, il a explosé avec la loi qui va être discutée en septembre, la loi pluriannuelle de programmation de la recherche. Où on se retrouve avec ça, c'est-à-dire qu'on fait des nouveaux postes qui sont pour les excellents. C'est le mot-clé de tout ça, hein, excellent. Quand vous êtes dans l'université française qui aime les acronymes, on a IDEX, LABEX, EQUIPEX et quelques autres EX comme ça, qui sont les choses excellentes, c'est-à-dire les choses qui ont, en gros, publient le plus de choses, peu d'articles, ont le plus de brevets, on les inonde d'argent. Puis les autres, encore une fois, hein, c'est la métaphore macronienne, hein, ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Voilà, les autres, c'est là le gros du truc, c'est on est parti pour avoir des universités qui gèrent la misère sociale, avec des gens qui sont des professeurs qui n'ont absolument pas le temps de faire autre chose que de l'enseignement et des tâches administratives complètement envahissantes. Et de l'autre côté, les excellents, c'est-à-dire des gens qui gèrent une équipe de précaires, en fait, et qui signent des publications. Ils ont fait ni les manips, ni les stats. Bon, dans les cas extrêmes, ils n'ont pas lu la publication. Et ils passent leur temps à faire des projets pour récupérer de l'argent, plus d'argent, pour avoir plus de petites mains. Une situation qui commence à être comme ça, mais ça va être dans la loi et ça va être un désastre absolu. Les gens qui prennent les décisions sont totalement incultes. Ils lisent rien, ils savent pas, ils comprennent pas. Et ils nous bassinent avec Evidence-Based Research Policy, c'est-à-dire la politique de la recherche basée sur les preuves. Le tableau est extrêmement clair, hein. Vous avez l'Institut des systèmes complexes à Paris, a fait quelque chose qui s'appelle le Noble Game, et donc c'est une simulation où vous pouvez, vous avez des paramètres qui sont les paramètres de la recherche, qui vous récompensez, comment, pourquoi, qu'est-ce que vous favorisez, et en fonction de ça, votre simulation vous donne en gros le type de recherche que vous avez. Et vous voyez bien que si vous êtes dans les paramètres qui sont les nôtres, vous avez une recherche qui, par exemple, va être de moins en moins innovante. Alors ça, c'est deux choses qui ont été extrêmement visibles avec le coronavirus. C'est que d'une part, cette recherche qui est excellente, c'est une recherche qui veut du résultat tout de suite. Si vous voulez du résultat tout de suite, bon, un, il faut travailler vite. Deux, il faut en gros travailler sur les choses que vous connaissez bien, les sujets qui sont à la mode, qui sont parce que ceux-là, les revues les veulent, donc ils vont être publiés vite. Abstraitement parlant, ça veut dire que vous allez privilégier ce qu'on appelle parfois en écologie d'exploitation, c'est-à-dire vous savez où sont les ressources, mais vous savez qu'il y en a, vous y allez, c'est toujours les mêmes, mais vous êtes sûr d'en avoir assez vite, à l'exploration, c'est-à-dire vous allez loin, il y aura peut-être pas de ressources du tout, hein, mais bon, vous prenez le risque d'y aller et peut-être que vous allez avoir plein de ressources très intéressantes. Et donc, coronavirus, qu'est-ce qui se passe? Tous les gens qui faisaient des choses un peu exploratrices sur, par exemple, les coronavirus, c'est une très grande famille, il y en a 200, on leur a coupé les crédits parce qu'ils avaient fait H1N1, H1N1 c'était terminé, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup fait parler de lui, a raison, Bruno Canard, virologue, spécialiste de ces choses-là, il n'avait plus de crédit parce que les quelques années, c'était passé, ça servait à rien ces choses-là, qu'est-ce qu'on en a à faire, etc. Mais si vous voulez, au fond, il y a un rapport au temps là-dedans, c'est que beaucoup d'analystes disent le néolibéralisme c'est on veut pas de stock parce que c'est de l'argent perdu quand vous immobilisez, on veut des flux de matière, d'énergie, de marchandises, de tout ce que vous voulez. Donc l'université c'est exactement pareil, c'est les flux. Donc vous avez un doctorant, faut qu'il publie le plus de trucs possible. Le problème que nous avons avec les délinquants de la connaissance, c'est qu'en fait, contrairement à l'industrie, ils quittent pas notre système. Ils restent avec nous. Comment vous faites? Vous avez quelqu'un qui est malhonnête, vous le savez, et vous savez que vous l'avez pour la vie. C'est pour ça qu'il y a de l'omerta aussi, parce qu'on se dit, qu'est-ce que je peux faire? Je suis dans une université de province, on est là, il a toute sa famille ici, il va jamais partir, donc il faut que je le supporte jusqu'à sa retraite. S'il a 40 ans, ça fait quand même 25 ans. C'est ça le problème, nous ne sommes pas en milieu où l'on peut changer facilement d'endroit ou de place. Alors en plus, Michel Bergada, vous travaillez au niveau international, puisque effectivement chaque pays a ses propres travers. Est-ce que chaque pays a ses propres travers? Non, je ne crois pas. L'être humain est le même partout. C'est-à-dire, quand je parle du profil des délinquants de la connaissance, par exemple, c'est le même dans tous les pays. Je n'ai pas vu de différence dans aucun pays. La loi là, qui est discutée ou qui va sûrement être votée, elle favorise aussi les mandarinas? Alors, elle favorise totalement, complètement les mandarinas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait, la loi? Elle prévoit ce que le gouvernement appelait un dispositif expérimental, dont finalement, à la publication de la loi, on a vu que c'était 25% des postes. Elle prévoit qu'à côté des postes usuels de maître de conférence, vous allez avoir des postes, en anglais, c'est dit en anglais, de tenure track. En gros, le système anglo-saxon, c'est un système où vous êtes engagé après votre thèse pour une période limitée. Et après, vous avez ce qui s'appelle tenure, qui est un examen sur la base de votre travail qui vous permet d'accéder ou pas au grade de full professeur, c'est-à-dire de professeur dans votre université. Bon, le système français est très différent parce que, en gros, quand vous êtes recruté comme chargé de recherche ou maître de conférence à l'université, vous avez un poste à vie. Bon, les salaires sont pas les mêmes, évidemment. C'est-à-dire, comme toujours, vous avez un arbitrage et en France, vous avez une certaine sécurité contre un salaire bien moindre. Ce que la nouvelle loi entend faire, c'est détecter les excellents, c'est-à-dire les chercheurs excellents, leur donner l'équivalent d'un tenure track position en anglais, c'est-à-dire un poste pour 6 ans, avec un salaire bien supérieur aux autres, avec plein d'argent à dépenser pour leur recherche aussi. Et à l'issue de ces 6 ans, le candidat est titularisé, mais évidemment, il faut qu'il ait bien travaillé quand même. C'est un peu comme dans le système américain. C'est pour ça que ça s'appelle tenure track. Alors que dans le système français, vous travaillez, vous faites vos trucs, mais si vous êtes lent, vous êtes lent. Et de fait, dans le système français, il y a quand même des gens qui ont fait des œuvres extrêmement intéressantes lentement. Si vous avez plein d'argent et dans 6 ans ou dans 8 ans, vous devez être titularisé, il faut quand même aller assez vite parce qu'il faut faut prouver que vous êtes vraiment excellent, donc faire mieux que les voisins. Vous pouvez pas, par exemple, être recruté, puis vous dire, ah oui, mais là, il y a une autre question. Bon, moi, j'ai fait le tour de ma question. Mais là, il y a une autre question qui m'intéresse. Mais ça va me prendre 2 ans pour rentrer dans la question. Vous pouvez pas. Passer à une nouvelle question, vous avez ce que les économistes appellent un coup de transition, c'est-à-dire qu'il faut s'investir, passer du temps à lire. avant d'être sur le point de vraiment apporter une réponse à vos nouvelles questions. Et ça, avec la nouvelle loi, d'un côté, vous aurez les excellents qui n'auront pas le temps de se le permettre, ceux avec leur tenure track, qui seront les futurs mandarins, avec des postdoctorants, des tonnes de postdoctorants et de doctorants à leur disposition qui jetteront ensuite. Et puis, de l'autre côté, vous avez des gens qui seront les tâcherons du système universitaire, qui enseigneront dans une université bondée avec pas d'argent. Enfin, plus bondée parce que ce sera sur Zoom, mais bon. Alors, évidemment, le coronavirus, on a beaucoup parlé de Didier Raoult. Bon, je n'ai pas spécialement envie d'en parler trop, puisque c'est quand même un chercheur éminent, on ne peut pas dire le contraire. Mais ce qui m'a frappé, et ce qui a frappé la plupart des gens qui connaissent le système universitaire, c'est que c'est le mandarin. Il le dit lui-même, donc c'est vraiment pas... Il a 3000 publications, un peu plus. Évidemment qu'il a lu aucune de ses publications. Enfin, pas beaucoup, en tout cas. C'est juste pas possible, c'est pas humainement possible. Vous savez, quand vous avez écrit 50 articles dans votre vie, vous êtes content, quoi. C'est ce système-là. Donc c'est des gens qui, quand même, encore une fois, le grand public sait pas, mais quand vous êtes mandarin, vous faites pas de recherche, en fait. Vous êtes manager. D'ailleurs, sur les fiches qu'on vient de recevoir là pour d'évaluation, on est tout le temps évalué dans la recherche. Bon. Donc les fiches d'évaluation annuelles ou bisannuelles CNRS, vous avez des nouvelles catégories maintenant et vous disent explicitement si vous êtes porteur d'un gros projet, il faut, si vous voulez, dire c'est quoi votre activité, quelle part d'enseignement, enfin de supervision de thèse, quelle part de recherche, quelle part de manager, quelle part de... Et explicitement, ils vous disent si vous êtes porteur d'un gros projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous avez candidaté à une agence de financement et vous avez 200, 300, 500, 1000, 1 million ou 2 millions d'euros pour un projet de recherche, bah, en fait, votre activité, ils vous disent, bah, vous êtes essentiellement un manager. Mais, bah oui, enfin non, on pourrait dire que vous êtes chercheur. Mais manager, ça veut dire que vous faites pas les... Vous avez l'idée, vaguement, mais vous faites ni les expériences, ni le traitement statistique, ni s'il y en a, ni vous lisez la littérature si, du sujet, si c'est... Mais vous signez l'article en tant que... Et c'est ce système-là qu'on va avoir, et ce système-là, enfin, moi, dans ces conditions, autant vendre des pizzas, quoi, enfin, c'est que de faire de la recherche. Je tiens quand même à dire que, à mon avis, 90% au moins des chercheurs sont des chercheurs honnêtes. Nous sommes une profession qui est guidée par l'envie de faire avancer la connaissance, quel que soit notre âge, quelle que soit la discipline, quel que soit le pays. Mais il y a une minorité, effectivement, de personnes fragiles qui vont avoir recours à la fraude ou au plagiat. Up as soon as they saw me from across the room or across the street, and then they just sort of cooled off. C'était Science, Fraude et Mandarina par Lydia Benitzrak avec Michel Bergada, Philippe Huneman, Hervé Maisonneuve, Béatrice Durand, Marie-Avril Roux-Steinkühler. Lecture Élise Caron, texte de Francis Segond, Je est un autre, extrait du livre Le plagiat de la recherche scientifique, documentation Caroline Chausset, Nathalie Rovilain, Christine Anzano, Béatrice James. Prise de son Martin Troadec, Sandrine Malon, Benjamin Thuot, Thomas Robin, Arthur Dumont, Élise Le et Pierre Montaigne. Réalisation Assia Khalid, mixage Olivier Dupré.